Ndikoma Nyanga. Merci de garder écoute aux émissions de la radio Sanganiro. Bienvenue à ce journal dont voici d'abord l'essentiel. Le ministère de la Santé publique invite la population burundaise à observer les mesures préventives contre le virus Marburg suite à sa déclaration dans le pays voisin, le Rwanda. Cet appel est du ministre Ludwine Baradahana dans un point de presse tenu ce mercredi. Grenier des exportateurs et des parcheurs privés de café au Burundi. Dans une correspondance adressée au président de la République, ces derniers disent être préoccupés par le blocage actuel de l'exportation du café et ses conséquences sur l'économie burundaise. Les parents qui ont été victimes des inondations dans la zone Gatumba, délocalisée au site Gisagara, se trouvant dans la zone Marchazo, en commune Mubimbi, dans la province de Bujumbura, sont inquiets que leurs enfants pourront abandonner l'école suite au long trajet qu'ils parcourent pour arriver à l'école et demandent au gouvernement de leur construire des établissements scolaires dans ce site. Et la chronique parle, rassure-moi, de ce mercredi et centrée sur le langage de souhaiter la mort aux autres sans base légale. Bienvenue à cette édition. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Ouvrons ce journal par la page santé. Le ministère de la Santé publique invite la population burundaise à observer les mesures préventives contre le virus Marburg suite à sa déclaration dans le pays voisin, le Rwanda. Dans un point de presse tenu ce mercredi, Ludwine Baradahana, ministre de la Santé, estime que le risque est énorme pour le Burundi suite à sa proximité avec son voisin du Nord. Elle rassure toutefois que des précautions sont déjà prises par le gouvernement burundais pour faire face à ce virus en cas de sa détection dans le pays. On l'écoute. Le Burundi a appris ces derniers jours que notre voisin, le Rwanda, connaît actuellement une épidémie de la maladie à virus de Marburg et cette information a été confirmée par l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Il s'agit d'une maladie très contagieuse et hautement mortelle. La maladie se transmet essentiellement par le contact de sang ou tout autre liquide biologique provenant d'une personne infectée, par le contact avec les surfaces ou les objets contaminés par ces liquides, ou le partage des outils ou le partage des vêtements avec les personnes contaminées. Cette maladie se manifeste par de la fièvre, des maux de tête très sévères, des frissons ou des malaises généralisés, accompagnés par une hémorragie sous-cutanée, des saignements nasaux, des saignements vaginaux, des saignements gingivaux ou des vomissures de sang ou du sang dans les selles. La période d'incubation est de 3 à 21 jours. Face au risque très élevé de propagation de cette maladie dans notre pays en général et dans les provinces frontalières avec le Rwanda en particulier, le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida a pris au sérieux cette information. Ainsi, nous appelons toute la population vivant au Burundi à redoubler d'efforts dans l'application stricte des mesures de prévention pour éviter la contamination et la propagation de ce virus de Marburg. Ces mesures de prévention sont les suivantes. Éviter les contacts directs avec des personnes, qui qu'elles soient. Se laver régulièrement les mains avec du savon ou du désinfectant. Signaler tout cas suspect aux autorités sanitaires les plus proches. Éviter de se serrer les mains en ce moment de suspicion de cette maladie. Éviter de toucher les liquides provenant de l'organisme humain d'autres personnes, même les personnes non malades. Consulter rapidement les structures de soins, les centres de santé et les hôpitaux les plus proches dès l'apparition des premiers signes suspects de la maladie. Le gouvernement du Burundi rassure toute la population vivant au Burundi que toutes les mesures relatives à la prévention et à la prise en charge des malades du virus de Marburg ont été prises. Unissons nos efforts pour barrer toute la route à cette terrible maladie. Dans la même page santé, le gouvernement burundais devrait prendre toutes les mesures possibles visant à freiner la flambée des prix des médicaments. C'est une recommandation du député membre de la commission permanente chargée des affaires sociale après qu'une étude commanditée par la plateforme des acteurs de mutualité de santé ait montré que le prix des médicaments a augmenté jusqu'à 32% depuis 2023. Pamphile Malaika plaidait notamment pour la subvention des médicaments et la révision du code des marchés publics. techniques pour alléger les procédures d'approvisionnement des médicaments. On l'écoute. Normalement, la Brema, si elle fonctionnait très bien, elle devrait prendre tout ça en main pour que cette situation vraiment ne se répète plus. Parce que parmi les missions assignées à la Brema, il y a d'abord la surveillance de la qualité des médicaments qui entrent dans le pays. Et aussi, il y a la régulation des prix des médicaments pour que ces prix respectent la loi. Il faut que si la Brema a des lacunes ou des besoins, il faut qu'elle sollicite l'appui du gouvernement pour que réellement cette autorité soit indépendante, autonome, matériellement, financièrement. Il y en a même des gens qui disent que les médicaments qui ne soient pas considérés comme des marchandises. C'est pourquoi même dans cette même ligne, on propose la révision du code des marchés publics de telle manière que les procédures d'importation des médicaments soient écourtées pour qu'elles ne soient pas comme des procédures du ciment, des fer à béton, des tôles. Il faut quand même que, ce qui concerne les médicaments, qu'il y ait des facilités au niveau de l'obtention de ces derniers. Et aussi, on solliciterait à l'État, si on a le pays regorgé de minéraux, c'est le moment même que les produits de ces minéraux devraient intervenir pour que peut-être l'État fasse des subventions au niveau des médicaments. C'était là le député Pamphile Malaïk. Grogne des exportateurs et des parcheurs privés du café au Burundi. Dans une correspondance adressée au président de la République, ces derniers disent être préoccupés par le blocage actuel de l'exportation du café et ses conséquences sur l'économie burundaise. Parmi les causes figurent le début tardif des activités d'usinage de café dû au retard d'octroi des licences aux déparcheurs, d'où ils demandent l'intervention du numéro 1 burundais en vue du déblocage de cette situation, n'est-ce pas, Apollinaire Muzagara? Dans la correspondance de ce 26 septembre 2024, adressée au président de la République du Burundi, ces exportateurs et déparcheurs privés du café parlent de blocage de l'exportation du café et évoquent même ses conséquences économiques. Ces opérateurs déplorent un faible rythme d'exportation de café et conséquemment des stocks invendus très élevés et donnent l'exemple de 3 usines qui ont accueilli environ 6666 tonnes de café parche durant cette campagne café 2024-2025 et qui ont déjà déparché environ 4990 tonnes de café et vendu seulement 115,2 tonnes, soit environ 6,75%. C'est au moment où le gros des livraisons devrait se faire selon toujours eux en juillet, août et septembre, compte tenu de la période de récolte du café. Ce seront toujours ces exportateurs et déparcheurs. L'exportation de ce café burundais vers les acheteurs européens risque d'être annulée suite au retard de livraison, alors qu'environ 70% des exportations de cette culture commerciale prennent cette destination. Il demande par conséquent l'intervention du président de la République du Burundi pour débloquer cette situation de mévente. Parmi les solutions proposées par eux, figure la réduction des procédures de validation des contrats et écourter la période d'octroi des accords de vente, la mise en place d'un cadre de dialogue public et autres, etc. Tongozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Cap sur la province de Bujumbura où les parents qui ont été victimes des inondations dans la zone de Gatumba, délocalisée au site Gisagara, se trouvant dans la zone Martiazan, commune Mubimbi, sont inquiets que leurs enfants pourront abandonner l'école suite au long trajet de 5 km qu'ils parcourent pour arriver à l'école. Ils demandent au gouvernement de leur construire des établissements scolaires dans ce site. À cela, Abdoul Karim Mudzinga, responsable de ce site, fait savoir qu'il a soumis cette doléance au ministère de l'Éducation et aux représentants résidents de l'UNICEF au Burundi. Il précise que ces derniers ont promis la construction de 3 salles de classe, mais les travaux n'ont pas encore commencé. Le détail avec Jean-Marie Vianney Ngendakumana qui s'est rendu sur les lieux. Les parents qui ont été délocalisés dans le site Gisagara se trouvent dans la zone Matiazo en province Bujumbura indiquent qu'ils sont inquiets car les enfants risquent d'abandonner les études des suites au long trajet effectué chaque jour pour arriver aux établissements scolaires. Il affirme que les élèves de l'école fondamentale Matiazo sont obligés de monter les montagnes quand ils retournent à la maison alors qu'ils étaient habitués à la plaine. Il demande au gouvernement de les construire des écoles mobiles dans son centre. Asora Abdul Karim Muzinga, responsable de société, fait savoir qu'il a soumis cette doléance au ministère et à l'éducation dans ses attributions et au représentant résident de l'UNICEF au Burundi. Il précise que ces derniers ont promis la construction de 3 salles de classe, mais jusqu'à présent, les travaux n'ont pas encore démarré. À ce qui concerne l'éducation, l'UNICEF, via le gouvernement burundais, nous a promis de nous faire installer 3 classes ici pour les petits enfants de la première, deuxième et troisième primaire. Malgré cela, ce responsable de site Gisagara salue l'action louable de certaines organisations gouvernementales qui ont pu distribuer le matériel scolaire aux élèves en provenance des familles vulnérables. Non, l'association APRO, c'est une association composée des ingénieurs. Elle nous a apporté plus de 2000 cahiers la fois passée. Mais la majorité des ménages qui sont ici, par exemple, vous pouvez trouver une ménage qui est composée de 5 enfants. 3 élèves sont ici, 2 élèves sont allés étudier ailleurs. Par exemple, ceux qui sont allés étudier dans les internats. Élèves ici. Parmi eux, la majorité se sont déjà fait inscrire à Machazo. Mais nous avons le doute que la majorité, surtout les petits-enfants, que d'ici 3 mois, ils peuvent arrêter, comme l'année passée. Le responsable du site Gisagara précise que ce site compte plus de 1000 élèves qui étudient à l'Ekofo Matiazo et l'Ekofo Mubimbi. Il ajoute que pour arriver à ces établissements scolaires, les élèves doivent parcourir un trajet de 5 km. Place à la page économie. Certaines transactions effectuées par les agents Lumicash seront payables de 0,3% à partir de novembre dans le premier temps cette année et d'1% à partir de juillet 2025. Ce sont notamment les transactions entre l'agent et le superagent, nos parents, comme le précise la société Lumicash. Des agents qui se sont entretenus avec la radio-télévision Isanganiro apprécient négativement cette mesure. Ceux qui se sont exprimés en mairie de Bujumbura estiment que cette situation vient compliquer davantage l'approvisionnement en électronique. On les écoute. Pour moi, qui opère dans ce secteur, cette décision ne nous facilite pas du tout la tâche. Tu peux ne pas connaître ton super agent. Il peut aussi être dans un autre pays ou une autre province. Vous ne pourrez pas vous rencontrer pour échanger le cash contre les électroniques. J'ai mal accueilli cette mesure parce que si on regarde le niveau de vie des Nadja, ça ne va pas lui être facile. Pour envoyer 5 000, il faudra payer 300 francs et pour 1 million, ça sera 3 000. Avant, c'était facile de nous entraider entre agents. Il y a déjà ceux qui travaillent en ayant un petit capital. Quand il a un client, il demande à son confrère de l'aider. Avec les frais d'envoi qu'on devrait désormais payer, nous ne pourrons pas travailler convenablement. Je n'ai pas apprécié cette mesure. Avant, on pouvait s'entraider entre agents. Maintenant, on ne le pourra plus. Ce n'est pas facile pour nous qui vivons de ce travail. En plus, la vie est chère aujourd'hui. Quand on a appris cette mesure, elle ne nous a pas plu. Ces jours-ci, on fait face au manque de monnaie électronique. La banque ne le disponibilise plus comme avant. On arrive à les avoir s'il y a une personne qui veut retirer de l'argent. On emprunte les électroniques chez un autre agent pour donner à cette personne du cash. Avec cette mesure, même celui qui aura ces électroniques ne voudra pas te les donner. L'UMITEL peut revoir cette mesure afin qu'on puisse avoir du pourcentage lorsqu'on fait des transactions. Il revoit les prix à la hausse et gagne du pourcentage, mais ne nous laisse aucun. Nous demandons que cette mesure soit revue. Nous demandons à l'UMITEL de suspendre cette mesure pour qu'on continue de s'entraider, surtout que la vie est devenue chère. Cap sur Kirundo pour parler société. Plus de 20 000 maisons ont été détruites. Plus d'une centaine de hectares de champs de culture de bananiers, haricots, manioc et des arbres fruitiers complètement endommagés par la pluie torrentielle mêlée de grêle et vent violent tombé dans l'après-midi de ce mardi sur les différentes collines de la commune Vumbi en province Kirundo. La population victime de cet aléa reste bras croisés selon l'administration sur place. Cette dernière demande une assistance de la part du gouvernement ainsi que les bienfaiteurs pour pour les secourir car selon eux, il leur sera difficile de survivre. Les détails avec Abraham Safadi. Comme le précise le secrétaire permanent de la commune de Vumbi en province de Kirundo, Désiré Nimbona, la pluie torrentielle mélangée avec du vent violent et de la grêle tombée dans l'après-midi de ce mardi a détruit tant de choses. La même source fait état de 27 maisons détruites, plus de 100 hectares de champs de culture endommagés. Ici, il s'agit des cultures de bananiers, le café, les haricots, les maniocs ainsi que les arbres fruitiers. Les collines les plus touchées, du moins selon cet administratif, sont Matiazo et Rwisuri de la zone Bukuba et Gikomero de la zone Vumbi. Désiré Nimbona, le secrétaire permanent de l'administrateur de la commune de Vumbi, demande une assistance rapide à cette population victime de cet aléa climatique. Cette population, selon les sources sur place, se trouve actuellement dans une situation difficile et ne voit pas comment ils vont survivre avec leur famille. Le secrétaire permanent demande au gouvernement ainsi qu'aux bienfaiteurs d'octroyer à la population secouée par cet aléa de la toiture ainsi que de la nourriture. Depuis Kirundo, Abraham Safar pour la radio Isanganiro. Revenons sur la capitale économique Bujumbura où les travaux de réhabilitation de l'avenue de la République de Nyakabiga en commune urbaine de Mukaza ont été suspendus au mois de juillet de cette année. Les habitants de ce quartier sont étonnés par la suspension de ces travaux à mi-parcours. Ils demandent cependant à l'agence routière du Burundi ARB de finaliser ces travaux qui ont été exécutés à moitié. Nous devons cette information à Alice Lucrèce Chimoué, stagiaire à la radio Isanganiro. Les travaux de réhabilitation de cette route se sont régulièrement achevés depuis la 8e avenue jusqu'à la 14e, ce qui n'a pas été le cas pour la partie qui part de la 1ère avenue à la 7e. Les habitants de la localité se demandent ce qui a été à l'origine de l'arrêt de ces travaux de l'agence routière du Burundi, ARB en sigle. Nous ne sommes pas satisfaits de ces travaux. Ils ont détérioré la route pour soi-disant la reconstruire. Mais voilà, ils n'ont rien fait pour construire la partie après. Sur la partie non encore réhabilitée, des initiatives des privés pour boucher ces nids de poules sont entreprises, notamment en y déposant des graviers et les décombres des maisons. Les habitants de cette localité signalent que ces travaux ne seront pas durables du moment que la saison pluvieuse débute. Ils demandent à l'agence routière du Burundi, ARB en sigle, de reprendre ces travaux. Okay. On nous a demandé de boucler ces nids de poules avec des débris de chantier pour faciliter la circulation des personnes et des voitures. Ces débris que nous venons de déposer seront apportés par les eaux de pluie. Nous vous demandons de plaider pour nous afin de venir goudronner cette partie. Les chauffeurs indiquent que ces nids de poules endommagent leur véhicule. Nos véhicules sont endommagés et perdent des pièces. Nous demandons au gouvernement de réhabiliter cette route. Vous voyez qu'on avait débité, mais du coup, ils ont été suspendus. Prêtez pour nous afin qu'ils viennent goudronner cette partie. Le plus grand défi est que nos véhicules perdent des pièces comme les rotules, et cela est dû à cette route qui est en mauvais état. Nous demandons que la route soit réhabilitée. Le chef de zone Nyakabiga, Gervain Dirokubgayo, salue les travaux déjà réalisés et signale cependant qu'il ne sait pas les mobiles à la base de la suspension de ces travaux sur le tronçon non encore réhabilité. Tout comme les habitants, il demande à l'agence des routes du Burundi de reprendre ces travaux. Parle, rassure-moi. La chronique parlera sur moi de ce mercredi est centrée sur le langage de souhaiter la mort aux autres sans base légale. Les habitants de la colline Chiri, en commune Kiremba, de la province Ngozi, disent avoir entendu de tels propos et que cela a des conséquences fâcheuses dans la communauté. Alain Désiré Boukeneza, expert en gestion pacifique des conflits et droits de l'homme, explique un tel langage par des moments durs qu'ont traversé les auteurs de tels discours ainsi que l'impunité. La chronique parlera sur moi avec Mireille Kanyanki. Dans une situation de crise, par exemple, où des droits fondamentaux sont violés dans un pays comme de l'autre et qu'il y a impunité, des gens peuvent souhaiter de lourdes peines à d'autres groupes de gens, explique Alain Désiré Boukeyeneza, expert en gestion pacifique des conflits et droits de l'homme. Cela se retrouve dans le contexte, je dirais, de la violation de certains droits fondamentaux, les droits fondamentaux, par exemple, les droits socio-économiques, au non-respect de ces droits. Ici, spécialement, l'on pourrait évoquer le cas de pénurie, par exemple, de carburant, qui est un produit de première nécessité. Certains peuvent proférer de tels propos qui appellent à la violence, qui incitent à la haine, et plaider pour des peines plus graves pour les fraudeurs, par exemple. Les fraudeurs, le cas spécial, ici, c'est le carburant. Inconsciemment, un citoyen peut le dire parce que il est dans une situation de résignation. Il trouve donc qu'un spéculateur ou un fraudeur mérite la mort. Mais d'un autre côté, des gens peuvent désespérer à cause, par exemple, de l'impunité. Quand des gens commettent des infractions sans s'inquiéter, certains citoyens peuvent espérer à ce que la peine de mort, par exemple, soit une solution. Mais il faut différencier si ces propos sont proférés par un citoyen ou une personnalité publique. Une autorité publique, une autorité administrative. Pour les leaders ou les autorités administratives, ça peut être qu'ils sont conscients. Ils sont conscients que par la redevabilité, ils sont obligés de trouver une issue. Se basant sur ces éclaircissements des habitants de la colline Chiri, en commune Kiremba, de la province Ngozi, affirment avoir déjà entendu de tels propos dans leur communauté. Selon cet expert, ce genre de souhait, appelant à de lourdes peines pour les autres, est en soi une sorte d'incitation à la haine. Ça a des conséquences. Pourquoi? Parce que c'est une manière d'inciter à la haine. Quand on dit on devrait revenir à la peine de mort, c'est une manière d'inciter à la haine, une manière d'inciter à la violence. C'est aussi minimiser la loi. Toute personne doit comprendre que le respect de la loi doit demeurer une règle. De son côté, Munyarushatsi Evariste, conseiller socioculturel de l'administrateur communal Kiremba, indique que l'administration communale privilégie la cohésion sociale. Nous faisons encore assembler les leaders de ces partis politiques en collaboration avec les chefs de colline, les chefs de sous-colline. Puis nous organisons des réunions de sensibilisation en vue de favoriser la bonne cohésion sociale. L'expert en gestion pacifique des conflits et droits de l'homme appelle à ne pas véhiculer de tels propos. Les destinataires de ces messages devraient distinguer le bien du mal, suggère-t-il. Voilà, c'est par ici que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à François Kimana pour sa parfaite collaboration technique. La présentation, vous étiez avec Evariste Ndikoumananga. Bonne suite des programmes sur Sangha. Thank you.